ciel, et je compris dans cette voix qui tremble, dans ces doux yeux remplis de larmes, n'est-ce pas à l'aveu que je lis? Oh, taisez-vous! À quoi bon essayer de nous tromper encore? Nous mentions tous deux en nous disant vainqueurs de l'immortel amour qui tressaille en nos cœurs. Dans ce premier baiser, mon rêve et mon envie, bonheur tant espéré, qu'aujourd'hui j'entrevois. Il brûle sur ma lèvre, encore inassouvie, ce baiser demandé pour la première. Tu m'aimes. Tout ce qui nous sépare est-il troublé? Tu m'aimes. Pitié. Il n'est plus de remords. Il n'est plus de tourments. Oh, pitié. Hors de nous, rien n'existe et tout le reste est mort.